Et je viens d'avoir une agréable surprise de figurer dans ces dictionnaires, quoi. C'est que pour être admis, il faut au moins 350 académiciens décident à ce que vous figurez dans ce genre de dictionnaire, quoi. Et ben, je suis là. On dit de moi ici, Papa Wemba, Shungu Wemba Dio, né en 1949, musicien et chanteur congolais, attaché à la culture bantoue. Ben ça, c'est le trophée Kilimandjaro en 94. Là, c'est le Africa Music Award, meilleur groupe africain. C'était à Abidjan en 94 toujours. Et en 94 toujours, c'était Trophée Consécration. Papa Wemba, World Music. Et en 95, meilleure voix masculine d'Afrique, Afrique Caraïbe, Papa Wemba. C'était toujours, c'était à Libreville. Et puis, ça c'était tout dernièrement aussi pour le meilleur clip vidéo, Kaokoukou réalisé par Sika Production, qui a décroché les prix. Là, c'est Cora, la première édition de Cora, Best African Artist, Papa Wemba. C'était à 96, American World Music Award, 97, Artiste de l'année. Kamolete, mwana ya Zoba. Kanuti, mwana ya Mayele. Mais histoire en haut, les amours la hitro. Bogotu na voul. A ça la livre, ya 480 pages. A vous expliquer, Bino. Et Kobima, Kalamingite. Bref.